charme, ces murmures liés. Les viewers s'émarrent, rappé figé. Ton nom coule dans mes veines. Chaque syllabe brûle, chaque mot m'entraîne. C'est un